mesdames et messieurs, voici Silas. C'est une bonne chose d'être en votre présence. Donnez mon savoir à l'enfant, puis profitez simplement du temps présent. L'amour est sincère, demain je serai enfin père. J'ai posé les armes pour commencer ma vie. La liste est longue, j'ai bon appétit. Derrière, j'ai laissé la misère, le bon côté, les dessous de la guerre. J'ai aimé le champagne et l'argent sale. Monnaie, monnaie pour silence, j'augmente mon capital. La rue finie, un travail, une famille, des petits. D'ailleurs, je regrette aucune de mes erreurs. J'aime ces mauvaises heures, ma conscience à ma sœur. Une vie bien faite, du bonheur plein la tête. Ce putain d'esprit, je l'ai laissé disparaître pour ma chérie aussi. À vrai dire, le monde empire, la guerre est bien plus forte qu'un simple sourire. Je sais que le monde est un piège aux pensées profondes. Mesdames et messieurs, voici silence. Silence, silence, une bonne conscience. J'aime moi hip-hop, je vous avoue. Ma prophétie par-dessus tout. Mesdames et messieurs, voici silence. Silence, silence, une bonne conscience. J'aime moi hip-hop, je vous avoue. Ma prophétie par-dessus tout. À la recherche du bonheur, de la vérité dans mes mauvaises heures. D'un destin sans douleur, de Jésus et Bouddha en défenseur. En défenseur, à la recherche aussi de justice, d'esprit sans maléfice, un monde parfait sans sacrifice, du bonheur pour mes fils, une âme protectrice. J'aime mon hip-hop décalé, j'aime quand toutes les filles tombent à mes pieds. J'aime aussi la vie intérieure, je vous avoue, j'écoute pendant des heures et des heures. Silence, silence et indépendance. C'est un bonheur dicté par une merveille. Un calme sorti de son sommeil. Destructeur du microphone, ma musique est bonne. Ma conscience résonne. Mes anciens amis sont personne. Mon cœur me résonne. Ma musique est bonne. Sachez que je suis silence. J'ai tellement de vécu que les nuages me connaissent. Lire l'avenir, je me confesse. J'aime guérir. Mesdames et messieurs, voici silence. Silence, silence, une bonne conscience. J'aime mon hip-hop, je vous avoue. Ma prophétie par-dessus. Mesdames et messieurs, voici silence. Silence, silence, une bonne conscience. J'aime mon hip-hop, je vous avoue. Ma prophétie par-dessus. Yeah, ma prophétie par-dessus. Yes, yeah. Oh, yeah. Je suis silence, silence. Je représente les bonnes choses. Que le monde soit avec vous. Que la terre soit avec vous. Que toutes les bonnes choses soient avec vous. Yes, yo. Oh, yo. C'est un putain de bonheur dicté par une merveille. Yo.